prends-moi par la main et on y va. Vers un autre monde plus loin que l'au-delà. Longtemps qu'on passe à faire enfin le grand saut. C'était le seul moyen de supprimer tous nos maux. Prends-moi par la main et on y va. Vers un autre monde que tout vivant ne connaît pas. C'est peut-être un monde meilleur que le nôtre ou pas. Mais au moins c'en est un autre. Es-tu sûr de vouloir vraiment tout cela? N'a-t-il pas une meilleure solution que ça? J'espérais pourtant revoir un jour la lumière. Mais seul le couloir de la main la reflétera. Et c'est mieux qu'on prenne notre temps. Qu'on fasse les choses gentiment. Allons de l'avant progressivement. Tout doucement. Allons de l'avant ensemble. Allons s'amuser nous. S'aventurer au bon sens. Découvrir l'inconnu. De plus en plus, l'envie de me laisser tomber. Tiens-moi bien la main, on part là-haut. Vers un autre horizon, un monde bien plus grand. Depuis longtemps, l'idée germe, c'est là le grand saut. Il nous faut briser les chaînes, mettre fin à tous nos maux. Donc prends-moi par la main et on y va. Vers un monde que tout vivant ne connaît pas. De plus en plus, l'envie de me laisser tomber. Tiens-moi la main, voguons vers l'inconnu. Un univers caché, inexploré, inattendu. Peut-être meilleur que celui-ci, peut-être pas, mais au moins différent. Un chemin nouveau, voilà. C'est déjà ça.